إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, chers auditeurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde la réussite et vous bénisse. Nous reprenons l'étude du livre La pureté du tawhid bénéfique de l'imam Ahmad al-Maqrizi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et nous nous sommes arrêtés à sa parole. Si ceci est compris, alors apprends que la seigneurie al-Rububiyya vient d'Allah et est dirigée vers ses serviteurs. Et que le tawhid de l'adoration al-Uluhiyya se fait des serviteurs et est dirigé vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, l'auteur nous mentionne l'une des différences entre l'unicité de la seigneurie et l'unicité de l'adoration. Il nous dit que la seigneurie vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et est dirigé vers ses serviteurs. Car la seigneurie consiste à unifier Allah subhanahu wa ta'ala par ses actions, telles que la création, la subsistance et autres. Et ses actions sont dirigées vers ses serviteurs. C'est-à-dire que c'est lui qui les éduque, leur procure la subsistance, et s'occupe de gérer leurs affaires. Tandis que l'unicité de l'adoration consiste à vouer l'ensemble des adorations pour Allah. De ce fait, ce tawhid se fait des serviteurs et est dirigé vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants ont mentionné un point intéressant et bénéfique concernant la relation entre le tawhid de l'adoration et le tawhid de la seigneurie. Lorsqu'ils sont tous deux cités ensemble, ils ont chacun un sens différent. Et quand l'un est cité mais l'autre non, alors ils ont le même sens. Par exemple, ils sont cités ensemble dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala « قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ » Malikin Nas, Ilahin Nas, dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le roi des hommes, la divinité des hommes. Dans ce cas, chacun des deux tawhid a un sens qui lui est propre, tel que nous l'avons expliqué précédemment. Et un exemple du cas où la seigneurie est citée seule, Et quand l'ange s'adresse à l'homme dans sa tombe en lui disant « Man Rabbouk, qui est ton Seigneur ?» Ceci englobe également le tawhid de l'adoration. En effet, la seigneurie étant reconnue par les polythéistes, personne ne sera testé à son sujet. Comme exemple également, où la seigneurie est citée et englobe l'unicité de l'adoration, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَ اللَّهِ. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure injustement, simplement parce qu'ils disaient « Allah est notre Seigneur ». Et voici un exemple où le tawhid de l'adoration englobe le sens de la seigneurie. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fa'lam annahu la ilaha illallah » Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité digne d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah, quant à la miséricorde, elle est le lien entre eux et lui. En effet, la miséricorde est le lien entre le créature et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par elle qu'il leur a envoyé ses messagers et fait descendre ses livres. Par elle qui les guide et qu'il les fera habiter au paradis. Par elle qui leur donne la subsistance, les préserve et leur accorde ses bienfaits. Entre eux et lui, la chose qui les relie est l'adoration. Et entre lui et eux, c'est la miséricorde. Comme l'a mentionné l'éminent savant Ibn al-Qayyim dans son livre intitulé « Madarij al-Salikin ». Ensuite, l'auteur nous dit « Rahimahullah » et sache que la plus précieuse des œuvres et la plus grandiose est le tawhid. Subhanallah. Celui-ci a deux écorces semblables à la peau ou à l'écorce d'un fruit. Ici, l'auteur veut nous faire comprendre que le tawhid a deux choses qui le protègent, qu'il va détailler dans ce qui suit. Cependant, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a utilisé le terme « qishrun » qu'on traduit par « écorce ». Et de nos jours, ce terme est beaucoup utilisé par les gens de l'innovation, et plus particulièrement par les frères musulmans. Ils vont utiliser ce terme pour désigner des choses qu'ils considèrent superficielles ou secondaires. Selon eux, pour arriver à certains objectifs, il faut délaisser certaines obligations. Par exemple, ils vont te dire que la barbe, le voile, la mixité sont des choses superficielles et secondaires. Par conséquent, pour atteindre le pouvoir, il n'y a pas de mal à ce que l'homme se rase la barbe et qu'il participe à des manifestations dans la mixité. Car tout cela fait partie des choses superficielles et secondaires. Car selon eux, la fin justifie les moyens. À partir du moment où tu as un objectif louable, il t'est possible d'utiliser n'importe quel moyen pour y arriver, quitte à commettre certains péchés ou affirmer que certaines choses de la religion n'en font pas partie ou ne sont pas obligatoires. Par conséquent, ne sois pas étonné de voir certains soi-disant représentants religieux des musulmans de France qui suivent la voie des frères musulmans chanter la Marseillaise en pleine rue ou encore qualifier le port du voile d'innovation détestable et ostentatoire ou encore qualifier l'obligation du voile comme une interprétation conjecturale du texte coranique et qu'il est question que la femme cache sa poitrine et que le débat quant au fait que le voile couvre la tête n'est pas tranché. Ceci est malheureusement la voie des frères musulmans. Selon eux, il faut tout faire pour s'intégrer en terre de mécréance, quitte à dire des âneries de la sorte. Et Allah subhanahu wa ta'ala a montré dans le Coran que la fin ne justifie pas les moyens, comme les frères musulmans le prétendent. Il dit dans le verset 3 de sourate les groupes, Azza wa Jal, « وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ » Ceux qui adoptent des maîtres en dehors de lui disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Allah jugera entre leurs différends. Allah ne guide pas celui qui est menteur et ingrat. » Dans ce verset, Allah nous informe que les polythéistes ont pris des intermédiaires et les ont adorés en dehors de lui, dans le but que ces intermédiaires les rapprochent d'Allah. Et être parmi les rapprochés d'Allah est un objectif louable. Cependant, pour y arriver, ils ont voué l'adoration à autre qu'Allah. Et Allah les a quand même jugés mécréants. Ce qui nous montre que la fin ne justifie pas les moyens. Quant à utiliser le terme « qishr » pour qualifier certaines obligations de la religion, selon l'éminent savant Cheikh Abdelaziz ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, cela peut mener à l'apostasie si cela est accompagné d'une moquerie. Néanmoins, l'auteur n'a pas visé par ce terme ce qui est connu chez les frères musulmans, c'est-à-dire les choses qui n'ont pas d'importance. Il a plutôt voulu par ce terme les fondements. Donc l'auteur nous dit « Et sache que la plus précieuse des œuvres et la plus grandiose est le tawhid. Celui-ci a deux écorces, semblables à la peau ou à l'écorce d'un fruit. La première, que tu dises avec la langue « La ilaha illallah » Cette parole est nommée tawhid et annule la trinité à laquelle croient les chrétiens. En effet, la parole d'unicité annule la trinité, car le sens de la parole d'unicité est qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à la trinité, c'est une croyance chrétienne. Il croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Puis il diverge quant à l'explication de ces trois personnes qu'ils appellent hypostases. Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus mécréants par sa parole. Il nous dit dans le verset 73 de sourate Al-Ma'ida « لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ » Ce sont certes des mécréants ceux qui disent, en vérité, Allah est le troisième des trois. Ensuite l'auteur nous dit, rahimahullah, l'hypocrite lui aussi prononce ce tawhid. Mais ce qu'il croit à l'intérieur contredit « ce qu'il fait paraître à l'extérieur. C'est-à-dire que l'hypocrite aussi prononce la parole d'unicité. Néanmoins, il n'y croit pas. Car l'hypocrite est celui qui montre l'islam et cache la mécréance. Il va prononcer la parole d'unicité et même accomplir certaines adorations. Néanmoins, il ne va pas croire en Allah et en son prophète, malgré qu'il montre le contraire. Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet: وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent: nous croyons. Mais lorsqu'ils reviennent chez leurs démons, ils disent: nous sommes avec vous. Nous ne faisons que nous moquer. Et il dit aussi Azza wa Jal: إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. Lorsque les hypocrites viennent te trouver, ils disent: nous attestons que tu es le messager d'Allah. Allah sait que tu es son messager et Allah atteste que les hypocrites sont des menteurs. Ensuite, il dit, rahimahullah, la deuxième écorce est qu'il n'y ait pas dans le cœur d'opposition ou de divergence vis-à-vis du sens de cette parole. Que le cœur y croit pleinement et la déclare véridique, ceci étant le tawhid de la majorité des gens. Donc il est obligatoire que ton cœur soit en accord avec ce que tu prononces. Ainsi, tu dois avoir la conviction que nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Par conséquent, tu n'invoqueras personne en dehors de lui, placeras ta confiance en lui voueras un culte exclusif, comme Allah subhanahu wa ta'ala te l'a ordonné, lorsqu'il dit: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ. Il ne leur fut pourtant ordonné que d'adorer Allah en ne consacrant leur culte qu'à lui seul en pur monothéiste, d'observer la prière et d'acquitter la zakat. Telle est la religion de droiture. Et par cela, tu seras préservé de l'hypocrisie. Ensuite, l'auteur nous dit: et le cœur du tawhid est de considérer que toute chose vient d'Allah, puis de ne plus diriger son cœur vers les causes, d'adorer Allah en l'unifiant par cette adoration, et de n'adorer personne d'autre que lui, et également de purifier ce tawhid du suivi des passions. L'adepte du tawhid ne suit pas ses passions, car le suivi des passions mène à l'égarement, et l'égarement mène en enfer. Également, l'adepte du tawhid est soumis à Allah, c'est-à-dire qu'il accomplit ce qu'Allah lui a ordonné et délaisse ce qui lui a interdit. Et lorsque l'auteur dit de ne plus diriger son cœur vers les causes, cela ne veut pas dire qu'il faut les délaisser. Néanmoins, il ne faut pas s'en remettre aux causes. Il faut plutôt s'en remettre à Allah en ayant la conviction que c'est lui qui va faciliter. Ensuite, il dit, rahimahullah, en effet, quiconque suit ses passions a certes fait de sa passion un être adoré. Allah dit: أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ. Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité? Si tu réfléchis, tu te rendras compte que l'adorateur des statues ne les adore pas en vérité, mais qu'il adore ses passions. Il a fait de ses passions une divinité, car il a obéi à ses passions. Néanmoins, il y a une question qui se pose. Est-ce que faire de sa passion une divinité mène toujours au polythéisme majeur? La réponse à cette question est que cela mènera au polythéisme majeur si la personne adore autre qu'Allah. Cependant, dans certains cas, cela le mènera à un grand péché. Et dans d'autres cas, cela le mènera au péché mineur. Car prendre sa passion comme divinité diffère selon les situations, comme l'a mentionné l'éminent savant Ashir Salih al-Fawzan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Ensuite, l'auteur nous dit « Il suit les penchants de son âme, pour la religion de ses pères, pour les coutumes, et ceci rentre dans le sens du mot passion. » Ce qui est voulu par les coutumes dans la parole de l'auteur, rahimahullah, ce sont les coutumes des ancêtres, qui sont soit du shirk, ou soit une désobéissance, ou encore une innovation. Mais il est bon de préciser que ce ne sont pas toutes les coutumes qui sont interdites. Celles qui sont interdites sont celles qui contredisent la législation, telles que mettre des amulettes ou invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou d'autres coutumes qui contredisent notre législation. Quant aux coutumes qui ne sont pas contraires à la religion, il n'y a pas de mal dans cela. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.